chanter sous ma fenêtre chaque soir. Un amant revient vers moi pour m'émouvoir. Si, si, si, ce n'est qu'une sérénade. Si, si, si, sérénade sans espoir. Dans le noir, je l'entends chanter pour moi de tout son être. Mais hélas, dans mon cœur et dans ma maison, il fait noir. Si, si, si, ce n'est qu'une sérénade. Si, si, si, sérénade sans espoir. Il a cru qu'autrefois je l'aimais, il veut le croire encore. Mais mon cœur s'est fermé à jamais, c'est en vain qu'il m'implore. Chaque soir, tristement, il vient chanter sous ma fenêtre. Chaque soir, il s'en va sans m'attendrir et sans me voir. Si, si, si, ce n'est qu'une sérénade. Si, si, si, sérénade sans espoir. Sérénade sans espoir, sérénade sans espoir.